إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 143 dans l'explication du kitab Tawhid. Et le chapitre qu'on a commencé hier, c'est le chapitre 62, Al-Bab al-Thani wa al-Sittun. Et le titre de ce chapitre c'est Babu ma ja'a fi kathrati al-Half. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait de faire trop de serments, hein? Donc on a commencé à expliquer le hadith hier, qu'on a commencé à lire, c'est le hadith qui est apporté selon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura trois catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur adresser la parole au jour de la résurrection, il ne va pas les purifier et ils auront un deux châtiments. Le premier c'est une personne qui est âgée et qui fait le zina, ushaymitun zanin. وعائل مستكبر c'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre et qui est orgueilleux et arrogant, fier. Et رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. D'accord. Donc ça c'est les trois personnes qui sont mentionnées dans ce hadith. Et on a expliqué le premier, c'est-à-dire la personne âgée qui fait le zina. Là on va expliquer la deuxième personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre mais qui est orgueilleux et fier. Donc le cheikh dit الثاني عائل المراد به الفقير مستكبر الكبر قبيح لأن الإنسان مطلوب منه التواضع والتواضع لربه سبحانه وتعالى والتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى فالاستكبار ضد التواضع والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا وترك عبادة الله استكبارا قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والذي سبب إبليس أو سبب لي إبليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار أبى واستكبر وكان من الكافرين استكبر عن السجود لآدم حسدا لآدم واستكبارا فسبب عدم سجوده أو سببه فسبب عدم سجوده هو الكبر استكبر عن أمر الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que la deuxième personne qui rentre dans les caractéristiques qu'on a mentionnées, c'est une personne qui est pauvre et qui est orgueilleuse et fière. Et le cheikh explique que comme c'est mentionné dans le hadith, عائل مستكبر. مستكبر c'est quelqu'un qui est fier et orgueilleux. Et ça vient de, on dit, yani le masdar c'est istikbar, d'accord? Et donc, ça vient de al-kibr. Al-kibr ça veut dire la fierté, l'orgueil, ok? Et donc, ça c'est quelque chose qui est laid, le cheikh il dit. C'est une caractéristique qui est très laide en l'être humain. Et donc, qu'est-ce qui est demandé de la part de l'être humain? C'est qu'il ait de l'humilité, qu'il soit humble, qu'il ne soit pas fier et qu'il ne s'élève pas au-dessus des gens. Il doit être humble, d'accord? Et premièrement, cette humilité-là, il doit l'avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son créateur. Puis, ensuite, il doit l'avoir envers la création, c'est-à-dire envers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit non seulement être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le contraire de la fierté et de l'orgueil, c'est, en arabe, le contraire de al-istikbar, c'est al-tawadu'. On dit en arabe, ça veut dire l'humilité. Hein? Et donc, le cheikh, il dit que la fierté et l'orgueil, c'est ce qui pousse l'être humain, parfois à la mécréance, et parfois à l'abandon de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Surat Ghafir, le verset 60, ceux qui s'enflent d'orgueil lorsque c'est le temps de m'adorer, ils vont entrer dans l'enfer humiliés. Inna allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et il mentionne aussi dans ensuite par la suite que c'est ça qui a été la cause du fait que c'est ça qui a été la cause de la malédiction et de l'humiliation de Iblis, alayhi la'natullah. C'est-à-dire qu'il s'est enflé d'orgueil lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et lui a commandé de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 34, Aba wa stakbara. Aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Il a refusé de se prosterner, il s'est enflé d'orgueil et par la suite, donc, il a été parmi les kafirin, il a été parmi les mécréants. Istakbara, yani istakbara an al-sujud. Il a refusé de se prosterner par orgueil. Hein, il a refusé de se prosterner à Adam par orgueil et par jalousie pour Adam alayhi salam. Et donc ça a été la cause du fait qu'il a été maudit et humilié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a refusé de se prosterner par fierté et orgueil et arrogance, et donc il a refusé de se soumettre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh dit « وَقَدْ يَسْتَكْبِرُ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ » Donc cette catégorie de istikbar ou de kibr, ça rentre dans le kufr. Lorsque quelqu'un refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par arrogance, il refuse de l'adorer par fierté, comme si par exemple quelqu'un qui dit « Ah non, moi je ne vais pas me prosterner devant Allah, parce que je ne veux pas me rabaisser, je ne veux pas m'humilier. » Hein? Celui qui dit ça, il est kafir. Hein? Celui qui refuse d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala par arrogance et fierté, il est kafir comme Iblis. Okay? Toutefois, si c'est une autre forme d'arrogance, c'est-à-dire pas envers Allah, mais envers la création ou envers la créature, ça c'est un autre degré. C'est haram, c'est un péché, mais ça rentre pas nécessairement dans le kufr. Okay? Comme le cheikh nous va l'expliquer maintenant. Il dit وَقَدْ يَسْتَكْبِرُ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ وَيَرَىٰ أَنَّهُ فَوْقَهُمْ وَأَنَّهُ أَعْلَىٰ مِنْهُمْ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بعد الشرك بالله عز وجل. فالكبر كله قبيح من كل أحد، لأن المطلوب من الإنسان التواضع، ولكن الكبر من العائل أي الفقير أشد، لأنه لا داعي للكبر فيه، لأن الغني قد يغتر بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه له درجة ترفعه عن الناس بسبب ماله، فيحمله المال والغنى على الكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، ولكن العائل ليس عنده سبب للكبر، فاستكباره من باب السجية القبيحة فيه، لأنه استكبر من غير سبب، فدل على أن الكبر سجية فيه وطبيعة فيه لا من أجل سبب خارجي، فلذلك صار استكباره من أشد أو أشد من استكبار الغني. Le cheikh il dit que quelqu'un, comme on a expliqué, quelqu'un peut s'enfler d'orgueil par rapport aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se voit plus haut que les autres. Quand il se regarde lui-même, il se regarde comme s'il était au-dessus des autres. Et ça aussi, ça fait partie de l'orgueil ou l'arrogance et la fierté. Et ça, c'est un parmi les plus grands péché. Ça fait partie des kaba'ir. Après le shirk, c'est un des plus grands péchés. Et donc, tout ce qui a rapport avec l'orgueil, la fierté et l'arrogance, ça rentre dans qu'est-ce qui est laid et qu'est-ce qui est détestable. De quiconque cette caractéristique-là peut se produire, ou de peu importe en qui cette caractéristique-là est présente, peu importe qui cette personne-là est, c'est quelque chose de laid, quelque chose de mauvais. qu'il soit riche ou pauvre, c'est l'aide de la même façon. Hein? Sauf que, comme le cheikh il dit, qu'est-ce qui est obligatoire, comme on a dit tout à l'heure, c'est d'être humble et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, quand quelqu'un qui est pauvre fait preuve d'arrogance et de fierté, c'est encore plus laid et encore pire. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune raison, hein, aucun prétexte pour vraiment être orgueilleux et fier et pour s'enfler d'orgueil. Parce que le riche, par exemple, il pourrait se faire tromper par son argent. Hein, il se dit, moi j'ai de l'argent, je suis riche. Hein, j'ai une raison d'être fier, j'ai une raison d'être orgueilleux, d'être arrogant devant les autres. Donc, il se fait tromper par sa richesse et par son argent, et il s'imagine qu'il est au-dessus des autres, et il se voit au-dessus des autres, à cause de son argent. Et donc, Allah décrit cette caractéristique-là en certaines créatures, en certains êtres humains, dans Surat Al-Alaq, le verset 6 et 7, Allah il dit, non, certes, l'être humain transgresse, il se voit comme s'il se suffit à lui-même, comme s'il n'a pas besoin de rien, il n'a pas besoin d'Allah, il n'a pas besoin de personne, il se passe élevé au-dessus de tout le monde. Donc, ça c'est le cas pour la personne qui est riche, mais la personne qui est pauvre, elle n'a aucune excuse, aucune raison d'être fière et arrogante, parce qu'en plus, elle n'a pas d'argent du tout. Et donc le cheikh il dit que si une personne qui est dans cette situation-là, qui est pauvre et qui n'a aucune situation, elle s'enfle d'orgueil et elle méprise les autres, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de lui. Et donc ça veut dire que cette fierté-là, elle est plus laide encore que celle qui est présente chez le riche. Hein? Le riche, il est fier parce qu'il a de l'argent. Peut-être que s'il devient pauvre, demain il va savoir où est-ce qu'elle est sa place, il va pas être orgueilleux ou fier. Tandis que celui qui est pauvre et qui est quand même fier et orgueilleux, eh bien lui ça veut dire que le problème qu'il a de fierté en lui-même, ça fait partie de sa nature, et donc c'est une caractéristique qu'il a en lui, hein, qui fait partie de son tempérament, et donc ça prouve que c'est encore plus laid et plus mauvais, hein, de sa part. Ensuite le cheikh dit, « وَالثَّالِثُ وَهُوَ مَحَلْ شَاهِدْ مِنَ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ وَهَذَا عَامٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَكِنْ ذكر الرجال من باب التغليب وإلا فهو عام للرجال والنساء جعل الله بضاعته جعل فعل ماض من الأفعال التي تنصب مفعولين المفعول الأول الحلف بالله والمفعول الثاني بضاعته فمعنى جعل الله بضاعته أنه لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه كما فسره صلى الله عليه وسلم بقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ومحل الشاهد هو الجملة الأخيرة ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه فهو يكثر من الحلف بالله تهاونا فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله هذا مثل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie de personnes qui est mentionnée dans ce hadith, qui aura les menaces et les qui mérite les menaces qui sont mentionnées dans ce hadith, c'est une personne, tout ce qu'il a, tout ce qu'il vend ou tout ce qu'il achète, il le vend et il l'achète uniquement en jurant, hein, c'est-à-dire en faisant des serments, c'est-à-dire quand il achète, oui je te jure, hein, quand il vend, oui je te jure que c'est une bonne marchandise, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est un menteur, c'est quelqu'un de malhonnête. Et donc, il est obligé de jurer à chaque fois qu'il dit quelque chose pour que les gens le croient, pour que les gens lui fassent confiance. Et le chef, il dit, donc c'est ça, le chef, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il lui a donné, c'est parce que soit qu'il le prend en jurant, ou qu'il l'achète en jurant. Mais il fait beaucoup de serments, et il jure beaucoup, mais de façon qu'il est négligent, c'est-à-dire il ne prend pas son serment au sérieux. Hein, il ne prend pas ça au sérieux, il néglige. Hein, et il a comme une sorte de négligence envers les serments qu'il fait. Donc celui-là, il méritera les châtiments qui sont mentionnés dans ce hadith, c'est-à-dire Allah ne va pas lui adresser la parole au jour de la résurrection, il ne va pas le purifier non plus et il aura un dur châtiment, ou un châtiment douloureux, qu'Allah nous en protège. Et le cheikh il dit que ça c'est semblable au verset 77 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah il dit, et ceux qui vendent à vil prix le serment ou l'engagement qu'ils ont avec Allah, ainsi que leur serment, yani, ceux-là, ils n'auront aucune portion dans l'au-delà, aucune part dans l'au-delà. Allah ne va pas leur parler, il ne va pas leur regarder, il va pas leur adresser la parole, il ne va pas les regarder au jour de la résurrection, et il ne va pas les purifier non plus, et ils auront un châtiment douloureux. Donc dans le Coran, on a un verset qui a la mention de ces châtiments-là aussi, pour cette catégorie de personnes aussi. Oui, ça rentre aussi, c'est pas seulement celui qui vend, qui achète, mais en particulier celui-là, parce que c'est plus grave encore. Hein, il mange l'argent des gens de façon injuste et illicite, parce qu'il leur promet que la marchandise est bonne, ou bien comme on a dit hier, quelqu'un par exemple, il dit, par exemple, je te jure que je l'ai acheté à tel montant d'argent, cette marchandise. Et il dit qu'il l'a acheté plus cher, alors que c'est pas vrai, il l'a acheté moins cher, mais il monte le prix pour que la personne paye un prix plus cher. Hein. Il ne veut pas dire le vrai prix auquel il l'a acheté. S'il l'a acheté par exemple à 15$, il va dire qu'il l'a acheté à 25$ pour la vendre à 30$. Hein. Et il dit non, je te jure, je fais pas de profit, je te jure. Hein. Et puis c'est même pas vrai. Hein. Donc ça c'est une caractéristique qui est contraire à la caractéristique de quelqu'un qui est honnête et qui est un bon musulman. Donc le cheikh dit al-wajib على المسلم أن يصدق في معاملته مع الناس في بيعه وشرائه والدنيا مهما حصل منها فإنها لا تغنيه عن الآخرة والكسب الحلال إن كان يسيرا فإن فيه البركة وفيه الخير والكسب الحرام وإن كان كثيرا فهو ممحوق لا خير فيه فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الآتية. Donc le cheikh dit donc c'est obligatoire pour un musulman d'être honnête dans ses transactions qu'il fait avec les gens, soit quand il achète ou quand il vend, il doit être honnête. Hein, il y a des gens par exemple qui vont acheter quelque chose et il arrive devant le marchand et le marchand lui demande un prix, il dit bon, non ça c'est trop cher et voici ce que j'ai rien de plus que ça. Hein, le vendeur, il lui dit, ben non, ça coûte par exemple 25$. La personne, elle va dire, je te jure, j'ai juste 20$, j'ai pas plus que ça. Hein, wallahi, j'ai pas plus que 20$ dans ma poche. Hein, et c'est pas vrai, il a plus que ça dans sa poche. Mais, pour que la personne lui laisse à ce prix-là, il ment, ou bien il fait un faux serment. Ça, c'est un exemple aussi de malhonnêteté, hein. Non. Non, mais il faut faire attention dans le sens que il y a une différence entre quelqu'un qui jure qu'il a pas plus, et c'est pas vrai, ou quelqu'un qui dit je peux pas te donner plus que ça pour cette marchandise là. Là c'est différent. Hein, si tu dis par exemple moi je peux pas te donner plus que 20$, là c'est autre chose. Mais si tu dis je te jure j'ai rien de plus que ça dans ma poche, j'ai pas plus d'argent que ça, hein? Oui, il y a un mensonge là-dedans. Mm-hmm. Non, mais tu peux dire la vérité de façon honnête et la personne, elle va l'acheter, tu vois. Soit tu le mentionnes pas, mais la question c'est juste que t'es pas obligé de mentir pour vendre ta marchandise à un prix plus élevé. Tu peux le dire franchement, mais écoute, ça c'est le prix. Si tu veux l'acheter à ce prix-là, achète-le. Si tu veux pas l'acheter, va, tu peux aller l'acheter dans un autre magasin. Moi, c'est le prix auquel je le vends. Peut-être que moi je l'ai acheté par exemple à 20$, je le vends à 25$ parce que ça c'est mon profit à moi. Mais si tu peux le trouver ailleurs à moins cher, va l'acheter moins cher ailleurs. Mais quand quelqu'un il vend ou quand quelqu'un achète, c'est un contrat qui se passe entre deux individus. Il faut que les deux personnes soient satisfaites. le vendeur doit être satisfait du prix et l'acheteur doit être satisfait du prix. Si les deux sont d'accord pour acheter quelque chose à un prix, même si l'acheteur il sait que la chose coûte plus cher que moins cher que ça, mais elle est d'accord de l'acheter à ce prix-là, et que le vendeur, lui, il est honnête et qu'il le vend à ce prix-là aussi, dans ce cas-là, c'est correct. Tant que les deux sont satisfaits, alors, alhamdoulilah, la vente est acceptée et correcte, elle est valable. Tu comprends? Mais pas besoin de mentir, ou faire des ruses, ou tricher, ou mentir. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'islam, des musulmans, en fait, quand ils sont allés dans différents endroits dans le monde, hein, en Afrique et ailleurs. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens ont vu leur honnêteté, leur bon comportement, ils ont vu que la façon dont ils faisaient le commerce, c'était une manière qui était honnête. C'était pas juste pour, le but c'était pas juste de faire du profit, hein, de se remplir les poches le plus, avec plus d'argent possible, le plus vite possible. Comme aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Ils te vendent n'importe quoi de la marchandise qui a aucune qualité, hein, la plus basse qualité possible. Et ils en produisent la plus grande quantité possible en moins de temps possible pour justement faire en sorte que la marchandise soit le moins cher possible, et après ils te le vendent, et puis c'est une qualité qui est vraiment mauvaise, hein. Et puis ça se brise rapidement, puis ça dure pas. Oui. Bon, Dollarama, ça vaut le prix, mais c'est juste pour dire, hein. Il faut juste être honnête. La règle dans la question, c'est que toi, tu vas au magasin, tu acceptes d'acheter une marchandise à un certain prix, et le vendeur, si toi tu n'es pas d'accord avec le prix, tu peux négocier avec le vendeur, essayer de lui demander s'il est d'accord de baisser le prix. S'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, ça y est, tu vas ailleurs. Ou bien tu cherches à trouver un meilleur prix quelque part ailleurs. Mais bien entendu, il faut que les deux soient satisfaits à ce sujet-là. Donc, il faut être honnête dans nos transactions. Et donc, le cheikh, il dit, والدنيا مهما حصل منها فإنها لا تغنيه عن الآخرة والكسب الحلال وإن كان يسيرا فإن فيه البركة وفيه الخير يعني إلزي والكسب الحرام وإن كان كثيرا فهو ممحوق لا خير فيه donc il dit si t'as quelque chose de si tu reçois quelque chose de profit ou de bien dans la dunya et que c'est juste un petit peu mais que c'est halal, il y aura la baraka dedans. Mais si tu as une grande quantité de profit ou de bien mais que c'est basé sur le haram, eh ben il sera privé de toute baraka, ce bien là donc ça sert à rien de penser à faire beaucoup d'argent de façon inégale, de façon injuste ou de façon malhonnête, puisque tu ne vas pas avoir aucune baraka là-dedans, hein. Donc, le musulman, il prend ça en considération. Il ne prend pas juste la considération de dire, je veux faire de l'argent, hein. C'est comme les gens qui disent, ah, mon risque, il est ici. Et puis, il fait n'importe quoi pour avoir son risque. Même, il va faire le haram. Et puis, il pense que ça, c'est quelque chose, il dit, ça, c'est mon risque. Mais le risque qui est haram, il n'est pas, permis, hein. Le risque qui est haram, il n'est pas permis. Donc, il ne faut pas penser que c'est un bien pour toi, hein. C'est un mal pour toi, même si tu t'imagines que c'est un bien. Le cheikh il dit, فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَمِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وُجُوبُ تَعْظِيمِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ لِأَنَّ تَعْظِيمَهَا كَمَالٌ فِي تَوْشِيلِ الْعَبْدِ Le premier point qu'on peut extraire du verset et des deux hadiths qu'on a mentionnés, premièrement, c'est qu'il faut avoir du respect envers le serment qu'on fait par Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut avoir, le fait de le respecter, ce serment, c'est une preuve de la perfection de notre tawhid. Le deuxième point, al-mas'alat al-thaniya, an-nahy 'an kathrat al-half, li'anna fi kath, li'anna man kathura halifahu, kathura kathibahu. Wa kathrat al-half tadullu 'ala tahawun bil-yamin. ومن تهاون باليمين نقص توحيده قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وقال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فهذا من صفات اهل النفاق le cheikh il dit deuxièmement que on est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala de faire trop de serments de jurer trop et la personne qui jure beaucoup elle ment beaucoup. Donc le cheikh dit donc que le fait de jurer trop, ça indique que quelqu'un il prend les serments qu'il fait à la légère. Et de fait, de prendre le serment que tu fais à la légère, ça indique que ton tawhid il est imparfait, il n'est pas correct. Et il mentionne le verset 10 dans surat al-Qalam, Allah il dit « Et n'obéis pas à toute personne qui fait beaucoup de serments et qui est méprisée, hein, qui est méprisée comme on a dit, « Mahin ». Et il y a un autre verset qui est surat 14, le verset 14 dans surat al-Mujadala, et il fait serment de façon mensongère alors qu'ils savent, hein, « وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ». Ça, ça fait partie des caractéristiques des gens de l'hypocrisie. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أي أن الصدق وتعظيم اليمين سبب للبركة وأن الكذب والتهاون باليمين سبب لمحق البركة. الشيخ الزي que le troisième point c'est qu'il y a une preuve dans le hadith qu'on a mentionné que le fait d'être sincère, d'être véridique et de respecter notre serment c'est une des causes de la bénédiction. Hein, pour nous, et le fait de mentir et de négliger notre serment, d'avoir peu d'intérêt pour notre serment, ça c'est une des causes qui fait que notre baraka elle va être anéantie ou bien va être absente, elle va être détruite. المسألة الرابعة في الحديث دليل في الحديث الثاني دليل على إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. Le cheikh dit comme troisième question, comme quatrième point, que dans le deuxième hadith il y a la preuve de l'affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala il parle avec une parole qui lui convient, qui convient à sa majesté. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comparable à la parole de ses créatures ou aux attributs de ses créatures, comme cela est mentionné dans la voix et la croyance des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Contrairement aux gens de Bid'a comme les Jahmiya et les Mu'tazila, et ceux qui les ont suivis dans cette voie-là, comme les Asha'ira et les Maturidiya et les autres qui ont des problèmes dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ يقول ensuite المسألة الخامسة في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حق من أكثر من الحلف وأن هذا من الكبائر لأن الله توعد عليه هذا الوعيد الشديد المغلظ فدل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. الشيخ يقول comme cinquième point que dans ce hadith il y a la preuve qu'il y a une menace sévère à toute personne. Hein, au sujet de toute personne qui fait trop de serments inutiles hein, et mensongers, et que ça fait partie des grands péchés parmi les kaba'ir, et que Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé des gens qui font ce genre de choses-là avec une menace sévère, hein, et donc ça fait partie des grands péchés. Le sixième point, c'est le hadith d'Ali ala anna al-kaba'ir ba'daha ashadu min ba'd. فزنا الأشينس أشد من زنا الشاب والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها. Le cheikh il dit que comme sixième point le hadith est une preuve que parmi les grands péchés il y en a qui sont plus sévères ou plus graves que d'autres. Par exemple une personne qui est âgée et qui fait le zina c'est plus laid qu'une personne qui est jeune et qui fait le zina, même si les deux sont des kaba'ir, sauf que le fait que c'est quelqu'un qui est âgé qui le fait, c'est encore plus laid de sa part. De même qu'une personne qui est pauvre et qui fait preuve d'orgueil et d'arrogance et de fierté, c'est plus laid de sa part que quelqu'un qui est riche et qui fait preuve d'arrogance, hein, quelqu'un qui a une position d'autorité et qui est respecté dans la société, s'il fait preuve d'arrogance, c'est pas aussi laid que lorsque c'est quelqu'un qui n'a aucun statut, aucune position, aucune richesse et rien dans ces choses-là. C'est-à-dire cet orgueil de sa part est plus mal placé. Hein. et Falkabaïr Tatafawad. Donc les grands péchés, ils sont, disons, de différents degrés selon la personne qui commet ces péchés-là. D'accord? Ensuite, il y a la mention d'un autre hadith, hein, il y a la mention d'un autre hadith, c'est le hadith qui est rapporté selon Imran ibn Hussein. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc c'est rapporté selon عمران بن حسين dans un hadith صحيح que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les meilleurs de ma umma sont ma génération puis celle qui la suit puis celle qui la suit. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith et il dit قوله هو في الصحيح يعني في صحيح مسلم وهو في صحيح البخاري بمعناه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن يراد به الجيل من الناس ويطلق على الزمان ومقدار القرن مقدار القرن من الزمان 100 سنة وقيل 40 سنة وقيل غير ذلك والمراد أهل القرن وليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. Donc le Cheikh il dit que comme on a dit dans ce hadith, le prophète Rasul a dit la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Le Cheikh il dit que le Qarn en arabe c'est en réalité une génération hein, d'être humain, une génération. Et on l'utilise également par rapport à une période de temps. Et on l'utilise souvent pour une période de 100 ans, donc un siècle. Donc en arabe, le mot qarn, ça peut vouloir dire une génération de personnes, ou bien ça peut vouloir dire ici aussi un siècle. Et certains ont dit que ça peut être aussi 40 ans. Donc il y a divergence entre les personnes qui parlent de ce sujet-là. Toutefois, dans ce hadith, la signification qui est mentionnée dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit al-qarn, il ne parle pas nécessairement d'une durée de temps spécifique, mais il parle plutôt d'une génération, une génération d'êtres humains. Et donc le Cheikh dit « خير أمتي قرني » يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذي عصروه أو عصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة لما امتازوا به من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم وأفضل أمة محمد القرن الأول لما امتازوا به من الفضائل التي منها. Donc le Cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il dit que les meilleurs de ma umma, c'est-à-dire les meilleurs de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ma génération, ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les sahaba. Ok? Ça c'est quelque chose qui est accepté par le consensus de la umma. C'est-à-dire tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là, que le siècle ou la génération des sahaba c'est le meilleur de cette umma. Et la raison pourquoi ils sont les meilleurs, c'est parce qu'ils ont certaines caractéristiques et certaines particularités qui ne se retrouvent chez personne d'autre que chez eux. D'accord? Et le Cheikh, il dit donc que on ne les retrouve pas par de ces caractéristiques-là qu'ils ont, les Sahaba, elles ne se retrouvent pas chez quiconque qui sont venus après eux. Donc, le siècle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui de la meilleure, des meilleurs de cette umma, sans aucun doute, il n'y a pas de contestation à ce sujet-là. Et la umma de Muhammad en général, c'est la meilleure des umma. La nation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure umma. Et parmi cette umma, les meilleurs d'entre eux sont la génération du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines, comme on a dit, certains mérites, certains mérites que personne n'a, et parmi les mérites qu'ils ont, le Cheikh il en a énuméré 4. 4 caractéristiques qu'ils ont, personne d'autre que eux ont, en dehors d'eux, personne n'a ces caractéristiques-là. أولا أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه وآمنوا به فهم أفضل ممن آمن به ولم يراه. Premièrement, ils ont été témoins du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont vu et ils ont cru en lui. Donc ils sont meilleurs que tous ceux qui ont cru en lui sans le voir. Ça c'est de un. Deuxièmement, أنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وهاجروا. Donc deuxièmement, c'est qu'ils ont fait le jihad avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont porté, ils ont donné leur support au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont défendu dans sa transmission du message, ils l'ont défendu avec leur personne, avec leurs biens, et également ils ont fait la hijra, c'est-à-dire ils ont émigré dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont comme caractéristique que personne d'autre en dehors d'eux ne peut avoir cette caractéristique-là. Ceux qui sont venus après n'ont pas ce privilège-là. ثالثا أنهم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا القرآن وتلقوا السنة وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه لمن بعدهم بأمانة وإخلاص. Le cheikh dit comme troisième point que ce sont eux qui ont reçu cette religion-là directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire. Hein? C'est pas comme nous. Entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des siècles d'intermédiaires, hein, qui nous ont transmis cette religion. Eux, ils n'ont pas d'intermédiaire entre eux et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris la religion directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris le Coran directement de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris la sunna directement de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'ils ont vu des actions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ils ont en général reçu cette religion-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et par la suite, ils l'ont transmis à ceux qui sont venus, qui ont suivi par la suite, hein, et ils l'ont transmis avec honnêteté et sincérité. Pureté d'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est troisièmement. Et quatrièmement, أنهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح ونشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق. Le cheikh dit quatrièmement que ce sont eux qui ont propagé, qui ont fait la propagation de cette religion, de cet islam, à l'est et à l'ouest, à l'orient et à l'occident, hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui ont fait le jihad et qui ont fait les victoires et les conquêtes au nom de l'islam, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont transmis cette religion-là à l'est et à l'ouest. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc celui qui les aime, c'est uniquement le mu'min, et celui qui les déteste, c'est uniquement un kafir ou un munafiq. Tu ne trouves pas quelqu'un qui aime les sahaba excepté que c'est parce qu'il est croyant. Et tu ne trouves pas quelqu'un qui déteste les sahaba excepté que parce que c'est un munafiq ou bien que c'est un kafir. Hein? Et donc ça c'est très important de comprendre ça. Et ensuite le cheikh il mentionne des versets qui montrent les mérites que les sahaba ont, hein, les versets dans le Coran qui montrent le mérite des sahaba. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 29 dans sourate Al-Fath, قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقالت سبحانه في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Donc ça c'est trois versets ou quatre versets que le cheikh a mentionné dans le Coran qui montre les grâces et les mérites que les sahaba ont au-dessus des autres qui sont venus par la suite. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les sahaba dans le Coran. Le premier verset que le cheikh a mentionné, c'est un verset qui est dans Sourate Al-Fath, à la fin, c'est le dernier verset dans Sourate Al-Fath. On retrouve dans ce verset-là la description des sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les koufars et sont miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation, par le sujoud. Telle est leur image, hein, telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah par eux, par les croyants, remplit de dépit hein, et de rage hein, les koufars. Allah remplit dans leur cœur par eux les koufars. Hein, parce que quand ils voient les croyants qui sont forts et qui sont fiers dans leur foi, ça enrage les koufars. Et Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et qui font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ça c'est à ce sujet. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset 100 dans Sourate Tawbah qui donne également une belle description des sahaba. Dans ce verset, dans le verset 100 dans Sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des muhajirin et des ansar. Il dit As-sabiqoun, c'est-à-dire ceux qui ont précédé, hein, qui ont devancé, hein, As-sabiqoun, c'est-à-dire ceux qui ont devancé les autres. Al-awwaloun, les premiers, ceux qui ont devancé tous les autres dans la foi. Et qui ont été les premiers dans la foi. Parmi les muhajirin et les ansar. Les muhajirin, ceux qui, étaient à Makkah, hein, qui ont accepté la foi au tout début. Et qui ont fait la hijra, qui sont partis à Médine. Et les Ansar, c'est ceux qui sont les habitants originels de Al-Madina, qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les Ansar, parce qu'ils ont supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui ont cru parmi eux, les premiers qui ont cru, c'est ceux-là, et Allah les glorifie dans ce verset-là. Il dit, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée, et ils les agréent, hein, Allah les agrée, eux, ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont satisfaits. Allah est satisfait d'eux, et eux, ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça que ça signifie. Exactement. Radiallahu anhum wa radu anhum. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc ça c'est le deuxième verset que le cheikh a mentionné. Ensuite il mentionne un autre verset dans Sourate Al-Hashr, qui est l'Exode. Hein, la façon dont il est traduit c'est l'Exode. Et dans ce verset, il y a une très très belle description qui est faite des Muhajirin et des Ansar également dans cette Sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... il appartient, attends, qu'est-ce qu'il dit? Les fuqara et les muhajirin. Alladhina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim. C'est ça. Les émigrés, hein, les muhajirun, qui sont besogneux, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portent le secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les hérétiques, ceux-là sont les sans-déconnes. Donc voilà la description que Allah fait à propos des muhajirins. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant parle des ansars, et regardez comment il les décrit. Il dit, et également, وَالَّذِينَ تَبَوَّا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, et ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, c'est-à-dire dans le pays, c'est-à-dire à Médine, ils étaient déjà installés là-bas, et dans la foi ils ont accepté l'islam, et qui aiment ceux qui ont fait la hijra vers eux, ils aiment les muhajirins. Ok, ça c'est la façon comment Allah Ta'ala décrit les ansar, qu'ils aiment les muhajirins, ceux qui viennent. Regardez ici par exemple les gens qui viennent émigrer dans les pays de Kufr. Est-ce que les Kufars les aiment? Hein? Est-ce que les habitants les aiment, ces émigrants? Souvent ils les aiment pas, parce que pourquoi? Ils viennent voler nos jobs, hein? Ils viennent voler nos emplois, hein? Ils viennent prendre nos femmes ou autres. Les muhajirines, hein, quand ils sont arrivés à Al-Madinah, c'était pas ça. L'attitude des Ansar, c'est pas du tout cette attitude qu'on retrouve. Pourquoi? Parce qu'il y a l'iman qui les rassemble et qui les relie. Donc l'attitude des Ansar, c'est le contraire, ils aiment ceux qui viennent vers eux, ils sont contents, hein. Donc, et comment Allah les décrit en plus, ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces muhajirines ont reçu, hein, ils ne ressentent aucune envie, aucune jalousie, hein, pour ce qu'ils ont reçu, parce que des fois il y a cette jalousie-là, ah comment ça se fait, eux, ils viennent d'arriver où ils sont ici, regarde, ils ont plus que nous, où ils font des choses comme ça, hein. Et après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala pour les décrire? Il dit, et qu'il les préfère à eux-mêmes, même s'il y a une famine chez eux ou une pénurie chez eux, hein. C'est-à-dire, les Ansar, ils les préfèrent à eux-mêmes. S'ils ont quelque chose, hein, ils préfèrent le donner aux muhajirins, hein. Ils ont un amour à ce point-là pour les muhajirins. C'est que eux-mêmes, ils ont de la difficulté, ils ont de la pauvreté, ils ont de la misère, mais ils vont se priver eux-mêmes pour aider les muhajirins. Donc ça c'est la description comment Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits, et ça c'est l'amour qu'ils avaient dans leur cœur pour les muhajirins. Et ça, ça nous montre la différence entre l'attitude des mu'minins entre eux, et l'attitude des gens qui font la hijra pour la dunya. Hein, les gens qui font la hijra pour la dunya, ils ont la jalousie, ils ont la haine entre eux. Les gens qui font la hijra pour l'islam, ils ont l'amour et la miséricorde entre eux. Et ça tu le vois, parce que tu vois quelqu'un par exemple qui quitte un pays riche pour aller dans un pays pauvre. Et pourquoi quelqu'un ferait ça dans sa logique, hein, dans la logique du monde aujourd'hui, pourquoi quelqu'un va faire ça, hein, quitter un pays riche, industrialisé et avancé technologiquement, où il y a tout le confort et le luxe de la vie moderne, pour aller vivre dans un pays qui est moins développé et qui est plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'islam. Ta hijra, tu ne la fais pas pour la dunya, tu la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas la hijra parce que tu veux un job, tu veux une bonne position, tu veux plus d'argent, non. Tu fais ta hijra pour améliorer ta pratique de ta religion, pour améliorer ta compréhension et ta pratique dans un milieu où il y a un meilleur environnement, où plus de morale, plus de foi, plus de piété, hein. Et c'est pour ça que les musulmans d'aujourd'hui n'ont pas compris. Et même parfois certains frères qui parlent de vouloir faire la hijra, ils parlent uniquement des pays du Golfe ou des pays qui sont riches, parmi les pays arabes où il y a tout la modernité et le confort. Et ça, est-ce que ça c'est sérieux comme hijra, hein? Alors que si vraiment tu veux l'islam, tu vas aller même dans un endroit où il n'y a pas tout ce confort et tout ce luxe-là, mais au moins tu sais que tu vas vivre une vie et que tu vas avoir une façon d'élever tes enfants, de les éduquer d'une façon qui est plus correcte, hein, même si c'est plus modeste, ta façon de vivre. Hein. Donc ça c'est un exemple que nous devons prendre en considération. Et le cheikh il dit, et quiconque, le verset que le cheikh a mentionné à la suite, il dit, et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc ça c'est les versets à propos de Al-Muhajirin et l'Ansar, et ça nous montre le mérite que les Sahaba ont. Contrairement aux Shi'a et aux Rafida qui insultent les Sahaba, et ils n'ont de respect soi-disant que pour les Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous on leur dit, nous on aime plus Ahlul Bayt que vous. Non seulement on les aime, mais on n'aime pas seulement, on aime tous les Sahaba, et on respecte tous les Sahaba, peu importe qui ils sont, et pas seulement Ahlul Bayt, parce qu'on doit respecter tous les Sahaba. Bien entendu, Ahlul Bayt, ils ont, s'ils sont des mu'minés, et s'ils font partie des croyants, bien entendu, on leur doit un respect, parce qu'ils sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne va pas dénigrer et rabaisser les autres à cause de ça. Et ceux qui prétendent ou qui inventent des mensonges au sujet des Sahaba pour essayer de faire croire aux gens qu'il y avait entre eux des animosités ou de la haine, ça c'est un grand mensonge. Parce que les Sahaba aimaient Ahlul Bayt et ils avaient du grand respect pour Ahlul Bayt. Et tous ces mensonges que les Rafidans ont inventés pour faire croire qu'il y avait de la haine entre eux, tout ça c'est des mensonges et des choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes pour diviser les musulmans et diviser la Ummah. D'accord? Donc, le Cheikh il dit ensuite le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. C'est-à-dire, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons, parce que par celui qui tient mon âme entre sa main, si l'un d'entre vous donnait la quantité en or comparable à la montagne de Uhud, hein, ou bien si quelqu'un d'entre vous donnait la montagne de Uhud en or, eh bien ce ne serait même pas équivalent à une poignée de main que donne un sahabi, ou bien la moitié de l'or. Hein. Si le sahabi, dans le hadith c'est marqué mudd ahadihim, c'est-à-dire si quelqu'un par exemple parmi les sahaba donnait une poignée d'or ou bien la moitié, ce serait plus, ça aurait plus de valeur que si l'un d'entre nous donnait la montagne de Uhud en or. Donc la valeur de l'action des sahaba, leurs actions a beaucoup plus de valeur que nos actions à nous. Peu importe qu'est-ce qu'on peut faire, on ne pourra jamais équivaloir ou arriver à une égalité avec aucun des sahaba, même le plus modeste d'entre eux dans les bonnes œuvres. Hein? On ne pourra jamais les égaler et même arriver à quoi que ce soit proche d'eux. C'est-à-dire ils auront une récompense comme le prophète comme tu dis celui qui va venir à la fin du temps. Oui, ils auront, oui, qui suit la sunna et qui s'accroche à cette période-là, il a récompense de 50 d'entre les sahaba. Oui, ça c'est par rapport au fait qu'ils vivent dans une période où la sunna est rare et les gens qui la suivent est rare, et puis il y a beaucoup de d'épreuves et de difficultés. Mais ça veut pas dire qu'ils vont avoir la même valeur que les sahaba, hein. Parce que les sacrifices que les sahaba ont fait et la défense qu'ils ont fait pour l'islam et pour la sunna, ça, personne ne pourra être comparé à eux de cette façon-là. Pourquoi? Parce que regarde, de toute façon, tout le bien que tu fais toi aujourd'hui, leur hasan, ça rentre dans les hasanats des sahaba. Parce que c'est eux qui te l'ont transmis. Hein? Et tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui enseigne à quelqu'un le bien, il aura la récompense de ce bien-là, hein, sans diminuer rien de la récompense de l'autre. Donc les sahaba, ils ont toutes les récompenses de toutes les actions de bien qu'on fait, parce qu'ils nous l'ont transmis de génération en génération. Donc personne ne peut être comparé à ces gens-là. Et même juste Abu Bakr Siddiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que la foi de Abu Bakr Siddiq, si on la met dans une balance, et que dans l'autre côté de la balance on met la foi de la Ummah au complet, la foi de Abu Bakr est plus lourde, va être plus lourde dans la balance que la foi de toute la Ummah au complet. Donc ça c'est pour faire comprendre que on peut pas comparer la foi des Sahaba avec notre foi à nous. Et juste pour vous faire voir, c'est que Abu Bakr c'était le premier homme qui a cru en l'islam, hein, et donc tout le bien qui est venu par la suite, parmi les Ashra al-Mubashirin al-Jannah, les 10 qui ont été annoncés au paradis, la plupart d'entre eux, c'est Abu Bakr qui les a ramenés. Le lendemain qu'il s'est converti à l'islam, il est allé leur faire da'wah, c'est eux qui sont rentrés en islam en premier, Et bien ceux-là, la plupart d'entre eux font partie des Ashra al-Mubashirin al-Jannah, les 10 qui ont été annoncés ou promis de rentrer au paradis. Donc ça vous montre les récompenses d'Abu Bakr. Abu Bakr va avoir les récompenses de ceux-là et de tous ceux qui sont venus par la suite également. Et donc c'est sûr qu'il a plus de récompenses que tous ceux qui viennent après. Donc après le Cheikh il dit وعلى غير ذلك من الأدلة التي من الأدلة الدل على فضل الصحابة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على فضلهم وسبقهم وأنهم خير القرون بل خير الأمم فمن سبهم أو سب أحدا منهم فإنه يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. Donc le Cheikh il dit, et il y a beaucoup d'autres preuves du mérite des Sahaba, du messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc Allah a glorifié et fait l'éloge des Sahaba dans son livre, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge des Sahaba, et la Umma en entier, elle est toute d'accord et unis sur le mérite que les Sahaba ont et du fait qu'ils ont précédé les autres dans la foi et qu'ils sont la meilleure génération et la meilleure nation, la meilleure de la nation. Et celui qui les insulte ou qui insulte un seul d'entre eux, hein, alors il a démenti Allah, il a démenti le messager sallallahu alayhi wa sallam et il a démenti le consensus de la Ummah. الشيخ الذي وقال صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم يعني التابعين فجيل التابعين لهم فضل عظيم وهم في المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تتلمذوا على الصحابة وأخذوا علمهم عن الصحابة فبذلك حصل على هذا الفضل العظيم وصاروا في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh dit, puis ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire après les Sahaba, ceux qui ont suivi les Sahaba, c'est-à-dire les Tabi'oun, on les appelle les Tabi'oun, ce sont les élèves des Sahaba, ceux qui ont cru à l'islam, hein, et qui ont rencontré les Sahaba, hein. Donc ceux-là, on les appelle les Tabi'oun. Et ceux-là, c'est une autre génération qui suit la première et ils ont un grand mérite eux aussi. C'est le deuxième degré après les Sahaba, c'est les Tabi'un. Et pourquoi ils ont ce mérite-là? Parce qu'ils ont été les élèves des Sahaba. Ils ont pris leur science des Sahaba directement. Donc le seul intermédiaire qu'ils ont entre eux et les Sahaba, entre eux et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Sahaba. Un seul intermédiaire. Donc ça, c'est un grand mérite qu'ils ont, hein. Et donc le Cheikh il dit, donc ils ont, à cause de ça, ils ont un grand mérite et ils ont donc le deuxième degré dans le mérite après le degré des Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le Cheikh il mentionne la suite du hadith. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قلبه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. C'est-à-dire que dans ces paroles-là, Imran il dit, je ne sais pas, est-ce qu'il a mentionné par la suite deux fois ou trois, des deux ou trois générations. Et il dit par la suite, puis après cela, il va y avoir d'autres, une autre catégorie de personnes qui vont apparaître. Après ces générations-là, il y aura donc une autre catégorie de personnes qui vont apparaître. Ils témoignent alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Ça, c'est leur première caractéristique. Ils font des vœux ou des serments, ils vont faire quelque chose, hein, mais ils ne respectent pas leurs serments ou leurs vœux. Et on voit apparaître chez eux la graisse. Commence à prendre du poids. Donc le Cheikh il dit, قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا هذا من تحريه من تحريه في الرواية. وهذه عادتهم رضي الله عنهم أنهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدون من صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمانتهم في الرواية. الشيخ dit que Imran il a dit, je sais pas, est-ce qu'il a mentionné deux ou trois générations après. Et le chef il dit, ça, ça fait partie de la précision et de la façon comment les sahaba ont de transmettre les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont très méticuleux, ils font très attention et ils ne vont pas confirmer quelque chose et affirmer quelque chose avec certitude, excepté s'ils sont absolument certains. Et s'ils ont un doute, ils vont dire, je ne sais pas, ou je ne suis pas certain, c'est soit ça ou ça. Hein? Malgré qu'il y a eu la confirmation de ça dans d'autres hadiths rapportés par d'autres sahaba. Hein? C'est pour ça des fois vous allez lire dans un hadith en particulier un sahabi qui émet un doute ou une incertitude à propos d'une information, et cette information-là elle est confirmée par un autre sahabi dans un autre hadith authentique. Hein? Et donc ça c'est pour montrer qu'en réalité le sahabi il veut pas dire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon affirmative, excepté s'il est certain. Et ça, ça montre comment ils ont, disons, comment ils sont précis dans leur façon de transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils sont des gens qui font preuve de fiabilité et d'honnêteté dans la transmission des informations qu'ils transmettent. Ensuite, le chef, il dit, قال صلى الله عليه وسلم, ثم إن بعدكم قوم, قوم بالرفع. هذا في كثير من الروايات وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي يكون بالنصب لأنه اسم لإن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وبعض المحدثين يقول قوم مرفوع بفعل محذوف وتقديره يجيء قوم ثم يجيء قوم، فحذفت يجيء وبقيت قوم. Donc le chef explique quelque chose qui a rapport avec la grammaire ici. Il explique pourquoi le qawm ici il est marfou et non pas mansoub. Et il dit que parce que certains des savants hadith ils disent qu'il y a un mot qui a été qui n'est pas mentionné dans le hadith mais qui est sous-entendu. Hein. Et donc ça c'est une explication plus grammaticale. Après le chef il dit wa yashhaduna wa la yastashhadun. أي يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة يبادرون بها ويسارعون بالشهادة من دون أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم وقلة أمانتهم، لأن الشاهد يجب عليه أن يكون أمينا في شهادته ولا يشهد إلا بالحق. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما شهدوا به ويتيقنونه ويشهد ولا يشهدون بموجب الخرص والظن، وإنما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكدونه. بشيء الجيسي التموان il y a une catégorie de personnes qui vont apparaître parmi leurs caractéristiques. Ils vont témoigner alors qu'ils ne sont même pas demandés de témoigner. Et le chef il explique ce principe-là. Et il y a un autre hadith qui est mentionné à ce sujet-là, qui dit que خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يطلب منهم الشهادة. Le meilleur des témoins, c'est ceux qui témoignent avant qu'ils soient demandés de témoigner. Et ça aussi c'est un hadith qui est sahih, qui est rapporté dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Et Ibn Uthaymeen, dans son charh de Kitab al-Tawhid, il a justement parlé comment on peut comprendre ces deux hadiths-là et résoudre l'apparente contradiction qu'il y a entre les deux hadiths. Et il explique justement qu'il y en a un qui parle d'un sujet en particulier, tandis que l'autre parle d'un autre sujet, dans d'autres circonstances. Mais de toute façon, demain, Inch'Allah, pas demain parce que demain il n'y a pas de cours, mais samedi prochain, Inch'Allah, je vais me souvenir, parce qu'aujourd'hui je voulais l'amener, le charh d'Ibn Uthaymeen, malheureusement j'ai oublié, avant de partir je l'ai laissé à la maison. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais le ramener. C'est ça que je cherchais dans l'ordinateur tout à l'heure. Je l'ai trouvé sur Internet, mais il y a un problème avec le fichier Word. J'ai remarqué le Word 2007, il a de la difficulté à ouvrir certains fichiers en arabe. Et s'ils sont surtout faits avec un Word plus ancien, ils ne l'ouvrent pas. Donc j'ai des problèmes avec ça. Ah, ok. Ok. Allah Mukhtar, donc j'ai essayé de l'utiliser avec le nouveau Word, puis à chaque fois que j'essaie d'ouvrir certains fichiers, ça se referme tout seul. Donc bon, peut-être comme tu dis, de le mettre en arabe, ça va peut-être résoudre le problème. Donc le cheikh il dit dans ce hadith-là que ce sont des gens qui portent des témoignages ici, alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner, mais ils se précipitent et ils se hâtent à faire des témoignages sans qu'on leur demande de le faire. Et ça, c'est la preuve que ce sont des gens qui prennent le témoignage à la légère. Ils prennent ça comme quelque chose de futile, comme si ce n'était pas important. Et donc, ça montre qu'ils ont peu de yani, ce sont des gens peu religieux qui ont peu de fiabilité. Parce que quelqu'un qui se présente comme témoin, il est obligatoire pour lui qu'il soit fiable dans son témoignage. Et il ne témoigne que de la vérité. Il ne témoigne que de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 86 dans surat al-Zukhruf, et يعني ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. Ah oui, subhanallah. Donc ce verset là c'est dans surat al-Zukhruf, le dernier verset. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qu'ils inventent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Donc si quelqu'un porte un témoignage et il n'est pas en pleine connaissance de cause, son témoignage n'aura aucune valeur. Il doit, quelqu'un qui fait un témoignage, et ça c'est pas juste de témoigner par exemple quand tu témoignes, quand tu dis « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ça c'est bien entendu, il faut le faire avec connaissance, mais également dans n'importe quel autre témoignage dans la vie, dans la dunya ou à la cour, ou même dans les choses de la vie, quand tu témoignes de quelque chose, tu dois témoigner avec vérité et être véridique. Sinon, ton témoignage n'a pas de valeur. Et donc, le cheikh dit, « Alamouna ma shahidou bihi. » Qu'est-ce que tu témoignes? La chose dont tu témoignes, tu le sais. Et tu le sais avec certitude. Et tu ne témoignes pas par essayer de faire des devinettes. Tu essaies de deviner les choses. Ou de supposer des choses. Ou basé sur les suspicions, les doutes. Non. Tu dois témoigner uniquement d'une chose que tu sais, que tu connais et dont tu es certain. Non. Mais c'est un péché. Mais non seulement c'est un péché, mais ton témoignage est faux. Tu dois, en tant que musulman, ton témoignage doit être véridique. Et tu ne dois pas mentir ou témoigner de ce que tu ne connais pas, ou témoigner de façon mensongère, donner un faux témoignage, ou toutes ces choses-là. Ça fait partie des grands péchés. Ok? Et donc ensuite, on va terminer avec cette partie-là, le dernier paragraphe qu'on va lire aujourd'hui. Ok. Donc dernier paragraphe, le cheikh il dit, le dernier paragraphe qu'on va lire aujourd'hui, le cheikh il dit, ثم أيضا لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طلبت منهم فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليل على استخفافهم بها. وهذا نقص في التوشيد فيكون فيه مطابقة للترجمة وهي قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف لأن الشهادة حلف كما قال تعالى وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله لرسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فسمى الشهادة يمينا وهذا يتضمن كثرة شهادتهم لأنهم ما داموا مستعدين للشهادة فهذا دليل على أنهم ليس عندهم تمنع. فتكثر شهاداتهم وكثرة شهاداتهم دليل على استخفافهم بالشهادة، وإلا فالشاهد الحق لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة واحتيج إليه فحينئذ يشهد. Le Cheikh il dit, puis par la suite, il ne se précipite pas non plus dans le témoignage qu'ils font. Ils ne témoignent que lorsqu'on leur demande, et ils ne se précipitent pas de faire des témoignages. Donc le Cheikh il dit, ça c'est la preuve que quand déjà ils sont précipités, ils sont pressés dans le témoignage, ça prouve qu'ils n'ont pas de respect pour le témoignage. Mais en même temps aussi, il ne faut pas faire le contraire, comme certaines personnes qui savent quelque chose puis ils le cachent. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala taktumu shahada » Ne cachez pas les témoignages. Donc, il y a ceux qui se précipitent dans le témoignage, qui veulent toujours témoigner vite, puis qui témoignent dans n'importe quoi puis ils jurent tout le temps. Et il y a ceux qui savent des choses importantes qui pourraient peut-être aider quelqu'un ou qui pourrait faire connaître aux gens la vérité à propos de quelque chose, puis il la cache. Ça c'est aussi un grand péché. C'est quelque chose de grave aussi. Donc le cheikh il dit, donc ولا يسارعون بالشهادة. Donc il ne faut pas se précipiter dans le témoignage. Et donc les gens qui se précipitent trop, ça c'est un signe que leur tawhid il est faible. Et donc ça rentre dans la description de ce chapitre, du fait que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a nommé ce chapitre, qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de faire trop de serments. Parce que le témoignage en réalité c'est un serment. Quand tu fais un témoignage, c'est comme si tu fais un serment en réalité. Et le cheikh il mentionne le verset dans Surat Al-Munafiqun, verset 1 et 2. Il dit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le témoignage, il a nommé le serment dans ce verset-là, un témoignage. Donc le cheikh il dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala au début, il parle du témoignage, puis dans le deuxième verset, il dit, ils ont pris leur ayman, c'est-à-dire ils ont pris leur serment comme un bouclier. Donc ça veut dire que le témoignage, c'est un serment. Parce qu'au début, Allah mentionne al-shahada, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ, on témoigne. Et après, Allah dit, اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ, c'est-à-dire qu'un témoignage, c'est parti d'un serment. Ok? Et donc le cheikh, il dit, Allah a nommé le témoignage, un serment dans ce verset-là. Il a appelé Yamin. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui fait trop de témoignages, ça veut dire qu'il est toujours prêt à témoigner. Et donc ça c'est la preuve que c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue par rapport au témoignage. Et donc il prend ça à la légère, il n'a pas de respect pour le témoignage. Et donc ça c'est quelque chose de pas correct. Et donc quelqu'un qui est vraiment un témoin véridique, il ne témoigne que lorsqu'on lui demande de témoigner, et il témoigne lorsqu'on a besoin de lui, alors là il témoigne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah, le prochain cours va expliquer qu'est-ce qui a été dit au sujet de l'autre hadith, qui est authentique également, qui parle de ce sujet-là, pour que la question soit plus claire en fait, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de confusion au sujet de la question du témoignage, parce que quelqu'un pourrait par exemple dire, bon, dans ce cas-là, je ne veux pas témoigner, personne ne m'a demandé de témoigner, alors que la personne a une information qui est importante à propos de quelqu'un ou de quelque chose, puis il se retient de le dire, et il cache la vérité, il cache le témoignage. Et ça, c'est quelque chose de mauvais aussi. Donc, savoir comment interpréter ou comment comprendre ces hadiths-là. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Que Allah accepte, et puis que Allah récompense également le frère Hakim pour qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, Jazakallahu khairan. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.